quand tu m'as dit y'a plus d'espoir. La page se tourne, on commence une nouvelle histoire. J'aime pas les lois, j'aime pas les hommes qui croient la faire. J'ai pas le droit de finir pauvre, je dois le faire. Tape au sommet, là je remonte la pente. Je me suis perdu, je suis désolé pour l'attente. Dans la merde, y'a que maman qui m'a pas lâché. Je suis dans tout sous ces pièces, casse le paradis. Un jour c'est la guerre dans mon bâtiment. Un jour tout le monde sait, moi on est lunatique. Mon cœur connecte la haine comme sentiment. J'ai la main sur le cœur ou l'automatique. Solo dans mon cacano, j'parle, j'fais le tour de la ville. Ouais, dois aller rejoindre Mino. J'm'arrête, j'prends une planche à la ligne. Ouais, solo dans mon cacano, j'parle, j'fais le tour de la ville. Ouais, dois aller rejoindre Mino. J'm'arrête, j'prends une planche à la ligne. J'fais que noyer mes soucis, j'fais que noyer mes soucis. Pour un rien, j'fais que noyer mes soucis, j'fais que noyer mes soucis. Tout va bien, j'fais que noyer mes soucis, j'fais que noyer mes soucis. J'ai fait des têtes, on était 10 pour 4 postes. Je croyais dans l'impasse, je trouvais pas de port. J'ai plus le temps, je dois faire les sous, les disques d'or. Je me fais les fêtes, je me fais les faux, je me fais les forts. Je me pète la tête, tous les soirs, je finis la bouteille. Je pense à l'avenir, j'ai un enfant, je dois faire l'oseille. J'ai plus le temps, tourner en rond, faire les 100 pas. Méfie de mon entourage, je le sens pas. Un jour c'est la guerre dans mon bâtiment. Un jour tout le monde sait, moi on est lunatique. Mon cœur connecte la haine comme sentiment. J'ai la main sur le cœur ou l'automatique. Solo dans mon cacano,